gros, l'énorme succès de Netflix de ce début d'année, puisqu'il a été encore numéro 1 dans 94 pays du monde en début de semaine. Vous l'avez entendu, c'est une comédie scientifique qui louche vers la science-fiction avec de grosses pointures hollywoodiennes. Hein, Leonardo DiCaprio dans le rôle de l'astrophysicien Randall Mindy, Jennifer Lawrence dans celui de Kate DiBiaschi, la postdoc qui va découvrir la comète. Meryl Streep joue le rôle de la présidente conservatrice Orlean, une sorte de Trump au féminin. Kate Blanchett dans celui de la présentatrice du show télé qui est assez peu au fait de la chose scientifique. Bref, un casting all-star pour ce film, à vrai dire, un peu étrange, qui a pour ambition de nous ouvrir les yeux sur l'absurdité de nos comportements collectifs et notamment de ceux des dirigeants politiques et de la sphère médiatique. Quant à une catastrophe imminente à laquelle personne ne fait rien, en l'occurrence une comète qui va s'écraser sur la Terre, avec évidemment en ligne de mire notre inaction à nous dans le monde réel en matière de réchauffement climatique. Donc premier petit tour d'horizon, je rappelle que je suis en compagnie d'Éric Lagadec qui est avec nous en ligne, qui est astronome adjoint, un chercheur au laboratoire Lagrange de l'Observatoire Nice Côte d'Azur et président de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique, et Simon Rio qui a eu le temps de nous rejoindre et qui est ici à mes côtés, rédacteur en chef du site Écran Large. C'est donc un drôle d'objet un peu hybride qu'est ce film, Simon Rio. Sur cette, comment on l'appréhende en fait ? Alors c'est effectivement un film hybride, et hybride, on regarde la carrière de son réalisateur. Son réalisateur c'est Adam McKay, qui a d'abord été connu pour des comédies, on va dire des comédies assez potaches, mais certaines brillantes, notamment Frangin malgré eux, qui est pour les amateurs, on va dire, de rire bien gras, un chef-d'œuvre. Et puis il a eu une deuxième veine dans sa carrière, nettement plus politique, nettement plus militante ou engagée, dirons-nous, selon les termes hollywoodiens, avec des films comme The Big Short qui revenait sur la crise des subprimes, avec plus récemment Vice qui se voulait un portrait de Dick Cheney qui a été un membre éminent de l'administration Bush, enfin éminent, en tout cas important, et qui est on va dire traité au vitriol dans ce film. Et là on est, on pourrait dire, de manière équidistante entre ces deux extrêmes. À la fois on est dans un film qui entend provoquer une forme de rire ou d'amusement et de sincère divertissement, parce que on est dans un rire sarcastique, sardonique, et en même temps dans un film qui a quand même clairement la prétention d'avoir une portée politique, ou en tout cas qui se présente comme telle. Dick Cheney qui est vice-président par ailleurs de l'administration, oui. Bush. Éric Lagadec, votre sentiment sur ce film personnellement, et puis ensuite en tant qu'astrophysicien. Mon sentiment, c'est que c'est un film qui arrive justement à bien montrer qu'il est important, en général, quand les scientifiques tirent l'alarme, de les écouter. C'est quelque chose qui fait assez bien le parallèle justement avec le réchauffement climatique. On voit bien que les scientifiques depuis longtemps tire la sonnette d'alarme, et ça n'empêche pas certains journalistes et certains politiques de ne pas y penser. Et quelque chose qui devrait être la priorité absolue n'est pas forcément c'est pas forcément ce qui est le cas dans les médias ou dans la politique ou dans la campagne présidentielle, par exemple. Vous disiez, Éric Lagadec, je m'attendais pas à voir mon métier incarné par Leonardo DiCaprio un jour. Exactement. Vous faites les mêmes crises d'angoisse que lui ou pas? Non. Non, pas exactement. J'ai appris en plus cette semaine qu'un ami qui est aussi astrophysicien, aussi du Nord Finistère, a doublé Leonardo DiCaprio. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un astrophysicien qui un jour double Leonardo DiCaprio. Et le doublage était étonnant, parce que ce qu'il a doublé, c'est qu'il a écrit des équations à sa place. Donc il a mis la même chemise que lui. Et puis sur un moment, vous voyez un plan où Leonardo DiCaprio écrit des équations, et en fait, c'est l'astrophysicien Michel Marseille qui travaille à l'ESO qui les écrit. C'était assez étonnant. Qui travaille d'ailleurs, qui est postdoc au Chili en ce moment, dans l'un des grands télescopes d'Atacama, c'est ça ? Il travaille à l'ESO, exactement. Ouais. On imaginait des doublures cascades, on n'imaginait pas des doublures équations. En même temps, on dérive d'une intégrale, paf, c'est l'accident. Alors oui, je dois bien admettre que je ne suis pas spécialiste en doublure, et j'ignore en effet quel est le taux de recrutement dans les post-docs en général. Alors, tout le monde s'extasie sur ce film comme donc étant évidemment une métaphore de l'inaction des pouvoirs publics, du mépris des médias pour le réchauffement climatique notamment. Mais Simon Rio, des films sur des scientifiques qui mettent en garde l'humanité, c'est évidemment pas le problème. Alors non, ça n'est évidemment pas le premier. Je ne sais pas s'il faut forcément aborder la question du scientifique mettant en garde l'humanité, parce que c'est souvent un personnage secondaire et qui est récurrent dans le cinéma catastrophe en général, mais pas nécessairement, on va dire, dans le cinéma de fin du monde, d'apocalypse ou d'apocalypse écologique. Ce que je veux dire, c'est qu'on en retrouve aussi bien dans Independence Day que dans Le Jour d'après. C'est une figure qu'on retrouve assez fréquemment. Non, mais ce qui est intéressant effectivement, c'est que le film essaye de faire quelque chose qui est, on va dire, assez rare finalement. finalement un peu contre-intuitif dans le cinéma hollywoodien. En général, l'apocalypse et l'annonce du cataclysme, c'est une source de, on va dire, de réjouissance pour le spectateur. C'est un spectacle. C'est l'occasion d'un grand baroud d'effets spéciaux, d'aventures. Ça n'est pas quelque chose qu'il faut éviter. C'est quelque chose que le spectateur a envie de voir advenir, qui doit lui être donné pendant le film et qui va être littéralement une source de satisfaction. Or, le film a cette ambition. Alors, est-ce que c'est réussi? C'est une autre question, à mon sens, mais il a vraiment cette ambition de casser un peu ce tropisme-là chez le spectateur, et ce qui crée, en fait, assez rapidement une espèce de dissonance cognitive étonnante comme expérience de spectateur. On peut penser, évidemment, à d'autres figures de scientifiques importants au cinéma. La première est certainement le docteur Follamour, de Kubrick. Absolument. Et d'ailleurs, alors, même si on se gardera bien de faire des rapprochements, on va dire, formels sur les qualités de mise en scène, de découpage, de montage des deux films, parce que effectivement, ça s'y prête pas vraiment, il y a en effet une volonté de questionner un peu la figure du scientifique, c'est exact, et aussi des sachants et des puissants, ce qui fonctionne très bien dans les deux longs métrages. Là où c'est intéressant, c'est que le personnage de DiCaprio est peut-être, donc DiCaprio qui incarne le savant, cet astrophysicien, le plus nuancé, le plus fin de tout le film, en cela que c'est d'abord un personnage qui participe à une découverte terrible, va tenter de l'amener à la puissance publique, réalisant que la puissance publique est à la fois incompétente et inconséquente, va tenter d'avertir les médias, la société civile, et puis va se prendre au jeu de la médiatisation. Et va lui-même se prendre un peu au piège. Et c'est en cela, pour moi, c'est lui un petit peu qui sauve le long métrage. C'est-à-dire qu'il apporte encore une fois, voilà, un peu des nuances de gris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le bien qui voudrait agir correctement pour le collectif et pour le bien commun. Et il n'y a pas non plus uniquement la perversion des médias et de la communication. C'est le seul qui navigue un peu entre les deux. Et en cela, c'est un personnage de scientifique que je trouve très intéressant. Éric Lagadec, vous en avez pensé quoi? C'est vrai que les personnages de scientifiques, ils sont souvent un peu monolithiques, un peu caricaturaux. Ils sont là pour servir de prétexte scientifique à une histoire de science-fiction qui s'écarte de la doxa scientifique. Ou alors ils sont sacrifiés, ou ils sont un peu ridicules, c'est un peu des nerds. Enfin, c'est vrai que le personnage de scientifique est rarement au centre de la narration, à quelques exceptions près récentes. On peut penser à The Arrival, premier contact de Denis Villeneuve, dont l'héroïne est une linguiste épaulée d'un physicien. Là, on a une figure, effectivement, comme Simon Rieu le disait, d'un scientifique en demi-teinte, en même temps très sincère, et puis qui en même temps finit par perdre un peu pied dans ce grand tourbillon médiatique. Quel est votre ressenti par rapport à ce personnage? Ben, on voit que ça peut être justement compliqué. Quand on est scientifique, si on a des choses à partager avec les médias, c'est pas toujours facile, parce que ça fait pas forcément partie de notre formation. Et malheureusement, ça devrait aussi devenir de plus en plus important. On devrait pouvoir être capable d'interagir. Pour ça, il y a, je pense, besoin de formation des deux côtés, du côté des scientifiques, mais aussi du côté de la presse. Et là, je parle pas de toute la presse. On sait très bien que la presse scientifique le connaît très bien, mais c'est aussi important pour pouvoir vraiment interagir et bien informer la population que les scientifiques et la presse généraliste puissent vraiment interagir et donner les meilleures informations possibles aux citoyens. Alors, on reviendra sur le film tout à l'heure, mais puisqu'on est avec vous, Éric Lagadec, vous avez publié un fil sur votre compte Twitter pour parler un peu finalement du fond de ce film, de l'autre personnage qui n'est pas humain, c'est celui de la comète. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, une comète peut nous tomber sur le coin du nez, Éric Lagadec? Est-ce qu'on peut faire un Chicxulub 2, le retour 65 millions d'après, et raser à peu près toute vie sur Terre, peu ou prou? Déjà, j'aurais du mal à dire non. Si ça arrive dans quelques mois, j'aurais l'air un petit peu bête, évidemment. Et il faut savoir que l'histoire du système solaire, donc le système solaire qui s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, est émaillée de beaucoup de collisions. C'est-à-dire que les planètes se sont formées par collision d'astéroïdes ou de comètes, justement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc, certains astéroïdes pourraient croiser la trajectoire de la Terre. Donc, ceux-là, a priori, sont plutôt bien surveillés, même si on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais à plus de 20 000 fois la distance Terre-Soleil, il y a ce qu'on appelle le nuage de Oort. C'est comme dans le film, en fait. Il y a des comètes qui sont là. Et certaines peuvent aller vers les parties internes du système solaire, donc vers la Terre. Et ça peut arriver. Par exemple, c'est arrivé en 1994. Il y a une comète qui s'appelait Schumacher-Levy, qui est rentrée en collision avec la planète Jupiter. Et elle n'a pas été observée beaucoup de temps avant. Bon, la chance qu'on a, c'est que le système solaire est grand et donc très vide, et que s'il y a des collisions, elles sont principalement observées sur Jupiter ou sur Saturne. Donc c'est pas impossible, mais c'est assez peu probable. Et puis par ailleurs, il y a tout un système de surveillance aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des géocroiseurs. Il y en a environ 24 000 qui sont de taille significative et qui sont surveillés par tout un réseau d'antennes, par différentes agences spatiales et au premier chef par la NASA. Exactement, puis il y a aussi un télescope qui va être construit, là, qui s'appelle le Vera Rubin Observatory, qui va être construit au Chili, qui va faire des cartes du ciel toutes les 2-3 nuits, et qui permettra ainsi de voir des choses qui bougent, parce que comment on détecte un astéroïde, c'est qu'il va se déplacer par rapport aux étoiles, et ça permettra d'en détecter de nouveaux, et on en cartographie de plus en plus, et on arrive vraiment à les suivre, et s'il y en a qui sont dangereux, ben on les observe, si on voit qu'ils sont potentiellement dangereux, pardon, on peut le réobserver petit à petit, on affine les observations, les trajectoires, puis souvent on se rend compte qu'il n'y a pas de risque. Mmh. Est-ce que ce scénario de découvrir comme ça, out of the blue, une comète qui va s'écraser sur la Terre dans 6 mois, c'est un scénario possible, vraisemblable, ou est-ce qu'on est à l'abri de ce type de scénario sur un objet suffisamment gros, en tout cas pour faire des dégâts conséquents? Bah, pour être franc, quand j'avais posté ce fil sur Twitter, je pensais qu'on était à l'abri de ce scénario. Et il se trouve qu'à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et non Nice comme Côte d'Azur, comme vous avez dit, donc l'Observatoire de la Côte d'Azur, il y a un groupe de spécialistes du système solaire qui est vraiment très réputé. Et du coup, je suis allé discuter avec eux en leur demandant ce qu'ils pensaient. Et puis, on m'a dit que finalement, c'était pas si impossible que ça. Et que justement, la comète en 94 qui était rentrée en collision avec Jupiter avait été découverte juste quelques mois avant. Donc c'est pas impossible, mais encore une fois c'est très très très fortement improbable. Parce que on a quelques exemples récents, hein. Il y a la fameuse le petit météorite de Tcheliabinsk qui a fait exploser toutes les fenêtres en Russie, qui est arrivé, personne ne l'a vu venir. La NASA en 2008 a découvert un géocroiseur à 24 heures de son impact. Donc ce type de scénario reste possible, mais jusqu'à quel point, c'est-à-dire jusqu'à quelle taille de géocroiseur? Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui n'avaient pas été détectés étaient plutôt petits. Donc celui qui était tombé en Russie, évidemment, n'était pas si petit que ça, mais quand même, les seuls dégâts qu'il y a eu, ça n'a pas été vraiment la chute de la météorite, de l'astéroïde en soi, mais vraiment l'onde de choc qui a suivi. Le danger principal, en fait, c'est que quand ces choses-là rentrent dans l'atmosphère, ça va très vite, ça va créer une onde de choc, et comme le son se propage moins vite que la lumière, on va voir les choses et les gens ont tendance, c'est naturel, par curiosité, à aller s'approcher, à aller voir. Là, les principaux blessés qu'il y a eu en Russie, c'est les gens qui sont allés près de la fenêtre voir ce qui se passait, et quelques temps après, l'onde de choc est arrivée à casser tous les carreaux, c'est ça qui a causé des blessures. Mais des dégâts vraiment importants, bon, il y en a eu évidemment, je pense que les dinosaures d'il y a 66 millions d'années ne s'attendaient certainement pas à se prendre un gros caillou qui leur est tombé dessus du côté du Mexique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. On sait que c'est arrivé il y a 66 millions d'années. Peut-être que ça arrivera dans le futur, mais en tout cas, faites pas confiance, mais on essaie de faire notre travail le mieux possible. Les collègues qui surveillent les astéroïdes font un excellent travail pour essayer de tous les cartographier. Et c'est de faire en sorte qu'on soit au courant si quelque chose comme ça devrait arriver. Antoine Beauchamp avait consacré une émission justement sur cet impact de Chicxulub. On vous a mis le lien vers cette émission sur notre fil Twitter. Ce qu'il faut préciser peut-être aussi, Eric Lagadec, c'est qu'aujourd'hui, on teste des possibilités de réponse. Il y a une mission qui vient de partir, qui a décollé au mois de novembre dernier, qui s'appelle la mission DART, et qui a pour ambition justement de dévier légèrement la trajectoire d'un astéroïde. Oui, exactement. En fait, naïvement, on penserait que la meilleure solution pour détruire un astéroïde ou pour empêcher cette menace, ça serait de le faire exploser. Mais c'est pas si simple parce qu'en fait, la composition des astéroïdes sont pas tout différentes. Certains sont plus ou moins denses. Ça pourrait créer plusieurs morceaux et créer plus de dégâts. Il y avait aussi une option que j'aimais bien, qu'on avait expliqué, c'est que la trajectoire des astéroïdes et des comètes est influée par le rayonnement qu'elle reçoit du soleil. Donc si elle avait une couleur différente, elle pourrait avoir une trajectoire différente. Donc une solution, ça serait peut-être de la peindre. C'est quelque chose qui peut faire sourire, mais c'était une option qui avait été envisagée. Mais évidemment, l'option qui est la plus d'accepter aujourd'hui, qui devrait être la plus efficace, ça serait justement d'aller dévier. C'est ce qui est en cours, donc avec cette mission qui s'appelle DART. Donc il y a une mission qui a décollé il y a quelques mois, qui va aller voir un astéroïde double, donc un astéroïde qui tourne autour d'un autre, et qui va arriver à plus de 20 000 km/h, le pousser et changer sa trajectoire. Et quelques années après, il y aura la mission HERA, qui est en partie élaborée à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui va aller voir sous ça et surveiller ce qui s'est passé, vérifier que ça a marché. Et c'est ce qu'on appelle une mission de défense planétaire, mais qui permettra aussi de mieux comprendre la physique de ces objets qui sont les astéroïdes, les pierres qui ont formé le système solaire. Patrick Beau, d'ailleurs, nous parlait de cette double mission DART ERA la semaine dernière dans notre vendredi consacré à l'actualité des sciences. Ce qu'il faut préciser, Eric Lagadec, c'est que ces options-là, elles sont possibles quand on a beaucoup d'avance. C'est-à-dire quand on voit ces géocroiseurs, ces astéroïdes ou ces comètes arriver de très très loin. La question, c'est si ils arrivent et qu'on ne les a pas vus venir, est-ce qu'on peut réagir réagir rapidement ou pas. Et pour ça, eh bien, depuis 2009, il y a un exercice de simulation tous les deux ans qui s'appelle le PDC pour Planetary Defense Conference. La dernière a eu lieu au mois d'avril 2021 au Centre International de Vienne. Et donc, c'est une forme de simulation qui met en fait un certain nombre de scientifiques et de décideurs dans les conditions d'un impact imminent à quelques mois pour essayer de voir si on s'en sortirait. Exactement. Et la mauvaise nouvelle, c'est, voilà, que, c'est que ça marche jamais. Ça marche, il faudrait vraiment qu'on soit au courant. Les chiffres que j'ai, c'est l'ordre de la dizaine d'années. Donc, si on le sait 10 ans avant, et évidemment, ça dépend aussi des propriétés de l'objet qui va impacter la Terre. Parce que suivant les trajectoires, ça va être plus ou moins difficile d'y aller. Suivant la densité de l'objet, comment, si c'est un gros bloc monolithique ou si c'est un agrégat, c'est pas exactement la même façon qu'il faudrait utiliser pour se dévier la trajectoire. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de savoir quel est le type de collision qu'on attend. Et surtout, ben, évidemment, le plus tôt on le sait, le mieux c'est, parce que ça donne le temps aux ingénieurs, aux astronomes, aux politiciens de se préparer et de faire en sorte qu'on arrive à sauver la planète Terre. Oui, parce que dans toutes les simulations du PDC, hein, vraiment depuis 2009, à chaque fois, c'est un échec. C'est-à-dire que vraiment, 6 mois, on n'a pas le temps de réagir. Exactement, donc espérons que si un jour un astéroïde ou une comète devra entrer en collision avec la Terre, on aura assez d'observations avant pour les observer et se rendre compte que quelque chose arrive vers nous, on pourra se préparer. Un dernier mot, Éric Lagadette, sur ce versant un peu scientifique de cette émission. Pour avoir une idée, un objet de 10 km qui tombe sur Terre, ça fait quoi ? Bah, ça fait mal. Je sais pas exactement, je peux pas vous dire exactement ce qui va arriver, mais c'est ce qu'ils disent dans le film, c'est que ça fait plusieurs milliards de fois la bombe d'Hiroshima, ça crée des tremblements de terre énormes, des tsunamis. Ce qui est arrivé il y a 66 millions d'années, c'est qu'il y a aussi une couche de poussière qui s'est répandue tout autour de la Terre, donc qui a empêché le rayonnement solaire d'arriver et qui a déclenché la disparition de pas mal de formes de vie. Donc c'est vraiment ça, c'est que c'est une réaction en chaîne qui ferait que, ben, par exemple, on n'a plus de plantes, si on n'a plus de plantes, on ne peut plus manger, les êtres vivants disparaissent. Enfin, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais éviter. Qu'on aimerait tous, a priori, éviter. Par comparaison, Chicxulub, on ne connaît pas exactement sa taille. Il faisait à minima 10 km et peut-être jusqu'à potentiellement 80 km de longueur. Donc, c'était vraiment un très, très, très gros géocroiseur. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle un événement planétaire et on n'a pas envie d'être là pour voir ça. Mais on va revenir au film dans un instant, juste après ça. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h30 sur France Culture, nous parlons donc de Don't Look Up d'Adam McKay, ce film à succès sur la plateforme Netflix. Nous en parlons avec Éric Lagadec, qui est astronome adjoint chercheur au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur et président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, et Simon Rio, rédacteur en chef d'Écran Large. On revient donc au film. Vous avez entendu le premier extrait. Les deux scientifiques vont présenter à la présidente des États-Unis et à son cabinet le résultat de leur recherche, et donc cette comète qui va arriver et oblitérer toute vie sur Terre dans un peu moins de 6 mois. Ils ne sont pas pris très très au sérieux. Ils décident donc d'essayer d'alerter le public en se rendant à la télévision pour annoncer leur découverte. Mais la télé aujourd'hui... It's somewhere between 6 and 9 kilometers across. So it's big. It would damage the entire planet, not just a house. No. The entire planet. La comète mesure entre 6 et 9 kilomètres de large. Alors elle... C'est gros. Elle endommagera toute notre planète, pas qu'une seule maison. La planète entière, alors. Okay, well, as it's damaging, will it hit this one house in particular that's right on the coast of New Jersey? It's my ex-wife's house, I need it to be hit. Et quand ça arrivera, est-ce qu'elle pourrait percuter une maison en particulier qui est sur la côte du New Jersey, celle de mon ex-femme? Et ça m'arrangerait, ça peut se faire, vous pensez? Vous et Shelley, vous vous entendez à merveille, ça suffit, oui. Écoutez, pour non, être franc... ça suffit d'accord, maintenant, mais pour sinon être je franc, vous j'ai poignarde avec ce stylo jusqu'à ce que mort s'en alors, je trouve que je suis c'est désolée, quand même... excusez-moi, vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair? On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite. D'accord. Eh bien, en fait, c'est notre manière de faire ici, vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles. C'est vrai, ça aide à faire passer la pilule, je trouve. Et d'ailleurs, en parlant de pilule, demain, nous allons recevoir... Peut-être que la destruction de l'intégralité de notre planète, c'est pas censé être fun. Peut-être même que c'est une information plutôt terrifiante et perturbante. Oh non, s'il te plaît, fais pas ça. Et que toutes les nuits, on devrait pleurer sans arriver à fermer l'œil. vu qu'on est sûr à 100% qu'on va tous crever. Voilà, extrait de Don't Look Up. Heureusement, vous dites-vous, vous qui nous écoutez, c'est de la fiction, les choses ne se passeraient pas comme ça, surtout pas à la télé française. Ah bon ? La France vient à peine de se faire condamner. Vous pensez à l'affaire du siècle ? Mais bien sûr, elle vient de se faire condamner pour inaction climatique. J'aimerais rappeler que même si on respecte tous ses engagements, le GIEC dit qu'on est à un scénario à plus de 2,7 degrés à la fin du siècle, qui est d'augmentation déjà des températures dramatique. Planétaires. Et si les mesures sautent, on est à plus 4 degrés. On parle d'apocalypse. On parle de... Non, mais vraiment, c'est pas radical, c'est pas excessif de ma part de dire ça. C'est les scientifiques qui le disent. Moi, je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre... Bah, merci pour nous. Hein. Non, mais... Bah, désolé. C'est super sympa. Mais, en fait. On l'a réinvité. Alors que les deux boomers à côté de moi, c'est moment, ça qu'elle voulait dire. Il faut des mesures absolument urgentes, y compris en cas d'un échec du multilatéralisme. Super, on ne peut pas attendre. Venu, hein. Je suis désolée, mais les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là, y compris avant c'était au Bangladesh, on n'en voyait pas les conséquences. Là, c'était cet été, c'était en Belgique, c'était en Allemagne, c'était aux États-Unis, dans les pays occidentaux. On n'est pas en train de discuter de demain, on est en train de discuter de maintenant. Et même si certains pays ne respectent pas, parce qu'on va toujours dire oui, mais les plus gros pollueurs, ils ne le font pas. Même s'ils ne respectent pas, c'est quand même une question de survie, au moins montrer l'exemple. Très bien. Déjà, ne serait-ce qu'à l'échelle française. Il faut investir chez eux. Ok, boomer. Voilà, extrait de l'émission 28 minutes, la chroniqueuse Salomé Sacquet sur le plateau qui a donc du mal à évoquer les réchauffements climatiques. C'était au mois de novembre dernier, en pleine COP26, qui plus est. Il faut dire que si le rapprochement Simon Rio est un peu glaçant. Il est glaçant et alors après chacun jugera. C'est peut-être à la fois la force et la limite évidente du film. Sa force, c'est d'avoir réussi en fait à finalement ne pas tant grossir le trait que ça, mais à capturer quelque chose de l'absurdité de ce que nous vivons actuellement. Il y a une capacité du film à recréer des formes, recréer des situations, ou plutôt leur servir de caisse d'écho et les souligner, qui est très forte. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde Don't Look Up, il y a plein de petits moments, plein de micros, des tournures de phrases, de petits rebondissements, de petites choses, où on se dit, mais oui, ça bien sûr, c'était sur un autre sujet, mais j'ai vu ça arriver. J'ai vu quelqu'un détourner une angoisse comme ça. J'ai vu un homme ou une femme politique contourner un problème de cette manière-là. Donc ça, c'est une grande force du film. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas forcément à aller bien au-delà de ça, qu'il a un peu de mal à nous donner ce qu'on pourrait appeler une vision, une proposition, une interprétation. Il est plus dans la captation de l'air du temps qu'autre chose. Est-ce que c'est son intention vraiment ? Je ne sais pas, mais donc ce qui lui donne à la fois, on va dire, un grand pouvoir de sidération, je ne sais pas si ça peut aller bien au-delà. Je pense qu'il faut, bien se garder de vouloir donner à ce film un grand rôle et on va dire une portée édifiante. Ce n'est pas son sens, ce n'est pas le sens du cinéma en général. C'est pourtant un peu ce que dit Adam McKay dans les interviews. Hein. Il dit qu'il a vraiment voulu faire un film qui secoue un peu les consciences et en poussant au maximum. Lui le dit dans ses interviews, les potards, les boutons, en essayant d'être dans l'exubérance. Il dit, j'ai rajouté 15% de folie parce qu'on trouvait pas ça assez fou. Et pourtant, on se rend compte qu'encore une fois, la fiction rattrape la réalité ou l'inverse. Alors, je dirais que paradoxalement, je me demande s'il n'est pas pris au même piège que le personnage de Leonardo DiCaprio, c'est-à-dire qu'il doit un petit peu dédramatiser pour pouvoir faire sa promotion en paix à Hollywood. C'est-à-dire que s'il commence à nous dire, mais non, vous savez, moi je fais ça très sérieusement, c'est vraiment ce qui est en train de se passer et de nous arriver. Eh bien, tout simplement, ce serait très problématique et Netflix serait pas forcément ravi d'avoir ce type de promo. En revanche, il a tout intérêt à dire, mais oui, on a rajouté de la folie, on a voulu y aller à fond, on a voulu machin. Je pense aussi, le film est sorti là à Noël du fait, bien plus tard que prévu initialement, notamment du fait de la crise sanitaire que nous avons traversée. Et je pense que, ils ont été aussi obligés d'augmenter les potards parce que, depuis 2 ans, on a vu des trucs qu'on n'avait jamais vus encore. On a vu des émissions de télé faire parler des gens et les mettre en position de scientifiques ou de quasi-scientifiques. On a vu des fois des scientifiques peut-être dévoyer un peu, on va dire, leur rôle ou leur responsabilité. Et donc le film, je pense, pour avoir encore un impact sur nous, a été obligé en cours de production de se trouver des exhausteurs, en fait, de démultiplier son programme initial, sans quoi il eût paru très très fade à l'arrivée. Éric Laguelle, qu'est-ce que vous en pensez, ce rapprochement est effectivement un peu perturbant entre la fiction et à quelques semaines près la réalité de la télévision française? En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, les médias en parlent. Donc, quelque part, c'est un succès dans ce sens-là. Je pense qu'on a rarement autant parlé du traitement médiatique et politique de l'inaction climatique. je peux prendre des exemples. On veut voir des choses. On a vu cette émission de 28 minutes tout à l'heure, mais j'ai aussi une autre émission en tête. Bon, ça serait pas très pro de ma part de la citer, mais je vois quelqu'un, un animateur français assez connu, qui à un moment dit on parle de réchauffement climatique, il fait moins 3 degrés à Paris. Enfin, c'est. Parler de Pascal Praud sur CNews, hein, on va dire les choses. je oui. Peux pas le citer, mais vous avez deviné. Mais je trouve ça aberrant de voir qu'on puisse parler comme ça aujourd'hui, que des scientifiques prennent des choses pas au sérieux. C'est pour ça qu'aussi, pour moi, il est important de ne pas parler de réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique, les gens voient ça comme quelque chose de sympa. On va pouvoir faire, on pourra aller se baigner au mois de février en Bretagne, c'est sympa. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que c'est illustré quand on a des périodes de chaud. Je dis pas que les vagues de chaleur sont toutes liées au changement climatique, mais souvent c'est associé. On dit, tiens, en décembre il fait 25 degrés, ben on met des photos de gens à la plage sur les journaux. Et je pense que ça serait important de parler de dérèglement climatique et que les gens se rendent compte des enjeux qu'il y a derrière. Et ça, je pense vraiment que ça arrive. À toucher quelques personnes, parce qu'on n'en a pas parlé autant depuis très longtemps. Il y a une autre chose que j'ai trouvée intéressante aussi, c'était un film de Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez sûrement, qui est une des présidentes d'un des groupes du GIEC, qui avait été assez étonnée de voir que, quand le rapport du GIEC était sorti, elle avait fait un film aussi, elle en a fait un sur Twitter sur le film, qui a été repris 10 fois plus, donc les gens ont plus vu ce qu'elle a dit par suite au film que ce qu'elle a dit suite au GIEC. Et il y a une autre anecdote qui était rigolote aussi, elle disait que quand il y avait justement cette scène où on voyait une femme qui s'énervait parce que les journalistes l'écoutaient pas, ses enfants ont dit, on dirait à toi maman. Et c'est assez triste, c'est la triste réalité. Mais, en fait. Justement, sur les liens avec les réseaux sociaux, c'est la suite directe de ce passage dans l'émission de télévisée, il y a un débriefing de la performance des deux scientifiques sur les réseaux sociaux et ça ne se passe pas exactement comme ils l'espéraient. Your TV appearance got some nice traffic when Ms. Dibiaski cursed, but unfortunately there was an immediate backlash that quickly became a meme. Oh Jesus. Oh, that's terrible. They just think I'm crazy. I mean, look at that. Votre passage a généré un joli trafic quand mademoiselle Dibiaski a juré. Mais malheureusement, il y a un retour de manivelle immédiat qui a engendré un meme. Oh non. Oh mais c'est affreux. Ils me prennent pour une folle. Regardez-moi ça. Quel intérêt de faire une chose pareille. Poursuivez, Erin. Oui. On a le droit de faire ça sur Internet? Je crois que c'est photoshopé, Kate. Essayez de ne pas le prendre pour vous. Je trouve ça d'une violence. Le docteur Mindy, en revanche, a reçu un accueil favorable. Vegan Babe a écrit « Miaou, moi ronronné devant Sexy Gars de l'espace ». Sur d'autres comptes, on l'a appelé le prophète BG de l'Apocalypse, ou encore AILF, littéralement l'astronome que j'ai envie de baiser. Je ne vois pas le rapport avec le sujet. Et ça y est, on a fait le tour. Notre article n'a été ni repris ni poussé sur aucun site, et on a fait moins de clics que la météo et l'infotrafic de base. Alors c'est tout. C'est fini? J'en étais sûre. C'est fini. Merci, Irène. Oui, je vous en prie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il n'y a aucune réaction. Absolument aucune réaction. Mais pourquoi les gens ne sont pas terrifiés? Que doit-on leur dire? Que doit-on faire? Voilà, pas de réaction sur les réseaux sociaux et puis des détournements assez malheureux. Vous évoquiez tout à l'heure, Éric Lagadec, Valérie Masson-Delmotte, qui disait, hein, je la cite, on m'avait effectivement appelé la passionnariat du climat et la manière dont la scientifique du film est traitée m'a fait penser à ça. Le fait d'avoir participé à des études approfondies et avoir seulement 3 minutes pour en présenter les points clés, ça m'a aussi rappelé la sortie du rapport du GIEC de cet été, le 9 août, date à laquelle on avait aussi l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Un fait d'actualité qui a été bien plus traité dans les médias. Simon Rieu, une fois de plus, hein, on tombe juste à côté de la cible. Hein. Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que cette caricature qui peut pas paraître épaisse, moi, quand on fouille et quand on gratte un peu les couches superficielles, on se rend compte qu'on est vraiment pas loin de la réalité. On est tout près, mais effectivement, c'est sans doute le pan médiatique du récit qui est le plus intéressant, je ne sais pas, mais le plus précis, le plus réussi, le plus frappant, quoi. Celui qui a un pouvoir de sidération très très fort. C'est un petit peu différent ensuite quand le film veut parler de politique ou du peuple, qui est peut-être le grand absent en réalité du film, parce que c'est un film qui nous parle des médias, des hommes politiques, des scientifiques, des différentes administrations. Le peuple, il l'a en diapositive. Tout le temps, c'est-à-dire qu'il est là en illustration à certains moments, comme pour montrer la réalité face au délire qui est en train de se déployer. Oui, tout à fait, il est là, le peuple et la nature d'ailleurs en général sont exprimés via ce qu'on appelle des stock shots, des images d'archives qui ne sont pas tournées pour le film mais qu'on va louer, acheter dans des banques d'images et qui sont ensuite intégrées au montage général. Et d'ailleurs, c'est une dimension du film moi qui me questionne. Alors je n'ai pas la réponse, je sais pas dans quelle mesure Adam McKay n'est pas en train de se moquer de lui-même, je sais pas si c'est de l'autodérision, mais si c'en est, c'est assez intéressant. Il y a tout un pan du film durant lequel nos scientifiques un peu désespérés vont tenter quand même de sensibiliser la population à leur cause en allant voir une chanteuse pop qui a l'air qui a peut-être éternué son cerveau mais qui a une très grande audience et qui est assez sensible à leur cause. Ariana Grande. Voilà, Ariana Grande. Et il y a quelque chose à ce moment-là d'un petit peu vertigineux que de voir ce film qui se moque donc de ces scientifiques qui sont obligés d'aller chercher une Lady Gaga de supermarché pour pouvoir parler d'une catastrophe à venir. Alors que le film, lui, est contraint d'avoir Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et tout un tas de stars pour y parvenir. Et alors, je sais pas dans quelle mesure c'est de la réflexion, une réflexion en miroir sur lui-même, mais ça a un effet assez impressionnant, encore une fois. Et ça pose la question également, et c'est peut-être l'inconfort que l'on peut avoir au regard de ce film, la question du cinéma hollywoodien comme vecteur de la cause climatique, c'est-à-dire cette espèce de bonne question, de bonne conscience, pardon, qui nous serait donnée par cette énorme machine à divertissement, où on sent que là, il y a quand même quelque chose qui coince. Alors, il y a quelque chose qui coince, et en même temps, c'est une constante, ou en tout cas quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans l'histoire d'Hollywood, Hollywood, et cette étrange précipité solide entre une forme de conscience politique, certains conservatismes, eux qui sont très solidement ancrés dans l'industrie hollywoodienne, un cynisme absolument certain, c'est-à-dire que si aujourd'hui Disney est devenu le grand studio de l'inclusion, c'est pas par bonté d'âme, c'est par velléité commerciale et désir de littéralement de pénétrer tous les marchés internationaux, pas seulement l'Occident. Mais néanmoins, on remarque en réalité que des fois, ces volontés, ces velléités de toucher des publics différents ou de renouveler ces discours à fin commerciale, en fait, ont parfois des effets positifs et des effets paradoxalement émancipateurs pour leur public. Donc il faut bien se garder de tout de suite jeter le bébé avec l'eau du bain et de dire attention, voici la grande lessiveuse hollywoodienne, et c'est du pur cynisme, c'est pour partie du cynisme, mais ce cynisme crée plus ou moins malgré lui des espaces de liberté ici et là dont ce film fait partie. Mais d'ailleurs, comme il y a un truc qui est incroyable, c'est-à-dire que le film fait un portrait des GAFAM, enfin plutôt des dirigeants des GAFAM, parce qu'il y a un Jeff Bezos du pauvre qui est joué par Mark Rylance, brillant comédien dont on parle trop peu souvent. On va entendre dans un instant. Voilà, Mark Rylance interprète, donc je vais pas trop déplorer ça, mais il interprète donc un sous Jeff Bezos qui est terrifiant. Mais pourtant, le film est produit par Netflix, qui est dirigé par Reed Hastings, qui est un Jeff Bezos à sa manière. Et pourtant, voilà, le film Netflix arrive à créer cet espace de liberté néanmoins. On a des exemples de films de fiction qui ont à un moment donné fait bouger politiquement, alors, intellectuellement, moralement, alors, la société, qui ont en tout cas joué un peu d'alerte ou d'éveilleur de conscience. À plein de niveaux, dans plein de domaines différents, on peut en trouver. Si on veut rester sur, on va dire, la mise en garde telle que voudrait le faire Don't Look Up, faut peut-être aller voir du côté de The Bomb de Peter Watkins, qui avait été, au moins en Grande-Bretagne, un choc énorme à l'époque de sa diffusion, film qui essayait d'imaginer de la manière la plus concrète et réaliste. The War Game, je crois, en version originale. The War Game en version originale, tout à fait. La bombe en français, pardon, et The War Game en version originale, qui essayait d'imaginer les conséquences concrètes sur le corps social, littéralement, britannique, tout simplement d'un hiver nucléaire. Le film est absolument terrifiant, il a plutôt bien traversé les âges, il est glauque à souhait, et tout simplement, il avait eu un certain effet. Dans un autre domaine, on pourrait dire qu'il y a quelques années, le film Black Panther, qui a eu un succès inversement proportionnel à sa qualité, c'est dire le succès qu'il a eu, tout simplement, mais est un film qui a été politiquement extrêmement important, au moins aux États-Unis et sans doute bien au-delà des États-Unis. Et il suffit de voir les réactions qui l'ont accompagné, les commentaires qui l'ont accompagné. Quoi qu'on pense de sa dimension artistique, le film en tant qu'objet culturel a eu un effet énorme. Donc ça arrive. Maintenant, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est peut-être si des longs métrages parviennent à avoir cet effet-là, c'est parce qu'il y a eu du travail en amont, en réalité. Il y a parfois effectivement un film qui va servir d'exhausteur, de déclencheur, qui va entraîner une réaction en chaîne. Je pense qu'elle n'est possible que si avant, pendant des années, il y a d'autres œuvres, d'autres longs métrages qui ont commencé, si j'ose dire, à enfoncer le mur. Et effectivement, arrive quelqu'un qui met le dernier coup de pied et là, l'édifice s'écroule. Mais je pense que ça n'est jamais une œuvre toute seule. Elle n'est jamais que, elle fait même partie d'une comète. et de tout un ensemble de créations qui vont dans le même sens. Éric Lagadec, votre sentiment, et puis on reparlera un peu de la place de la science sur les réseaux sociaux tout à l'heure, mais dans un premier temps, le fait d'avoir besoin, est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que ça dit en fait, à quoi joue-t-on collectivement quand on a besoin d'un film qui se moque de notre propre inaction face à une catastrophe en cours, qui met en jeu notre propre destruction pour nous alerter à propos de cette propre destruction? Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir fou collectivement? Bah, déjà, je voulais revenir sur le point d'avant, sur la discussion, sur le traitement médiatique. Je pense que c'est quelque chose d'assez symptomatique. C'est de se rendre compte que pour pas mal de médias, on vit dans une société de communication avant une société d'information. Donc le but n'est pas forcément d'informer les gens, mais de faire le buzz. Et c'est quand même quelque chose qui est assez dangereux. Et pour faire le buzz, du coup, on déplace la méthode scientifique. On fait en sorte que le grand public ne comprenne pas forcément la méthode scientifique. Donc j'ai vu des débats organisés entre des scientifiques. C'est quelque chose. Les débats scientifiques, c'est pas quelque chose qui a lieu sur des plateaux de télé ou à la radio. La science, en fait, elle se fait via. C'est bien dit dans le film, d'ailleurs, via des revues par les pairs, des conférences entre pairs. Et ça, c'est juste quelque chose que je voulais vraiment dire. C'est important de se rendre compte de ça et que le film le traite assez bien. Et j'espère que les gens seront assez conscients et que il faut trouver un moyen de s'informer plutôt que de communiquer. C'est quelque chose que vous faites très bien, mais c'est comment réussir à le faire avec les médias un peu moins de niche, entre guillemets, vraiment les médias généralistes. Les médias. Comment? Généralistes, exactement. Sur l'utilisation des réseaux sociaux, ce que disait Valérie Masson-Delmotte, vous le disiez vous-même, Éric Lagadec, hein, elle a elle-même fait un fil de discussion sur Don't Look Up, et elle a eu 10 fois plus de commentaires, de likes et de partages que le fil qu'elle a fait sur le dernier rapport du GIEC. Est-ce que c'est pas désespérant? Vous, je sais que vous, personnellement, Éric Lagadec, vous essayez d'investir Twitter justement pour diffuser de la connaissance en astrophysique, mais c'est vrai que ça n'est pas allé tout à fait dans le sens du courant de ce réseau social. C'est pas toujours simple. Je suis vraiment navré de voir que Valérie, quand elle veut vraiment montrer ce qui se passe, c'est pas lui, et que quand c'est pour parler d'un film, il y a plus de choses, même si elle a quand même réussi à passer des messages après le film. Donc c'est le plus important au final, de réussir à passer des messages. Et moi, oui, c'est ce que j'essaye de faire. Je me rends compte que les réseaux sociaux, c'est quand même un outil qui permet de rentrer en contact avec des gens. Et moi, j'utilise l'astronomie parce que, première raison, c'est que je suis astronome, donc c'est toujours mieux de parler de ce qu'on connaît au moins un petit peu. Et c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, j'en discutais quand on préparait l'émission, c'est que quand on parle d'astronomie, c'est un bon moyen d'amener les gens vers la méthode scientifique. Je pense que tous les gens qui écoutent la radio aujourd'hui ont déjà regardé les étoiles, même les gens qui vivent en ville, on peut quand même en voir quelques-unes, et se sont déjà posé des questions. Donc c'est des questions qu'on se pose, et c'est vraiment une porte d'entrée vers la méthode scientifique. Et en plus, en général, quand on parle d'astrophysique, on vit dans une société qui est face à plusieurs défis scientifiques importants. Et moi, quand je parle d'astrophysique, j'apporte pas de contraintes à la vie des gens. Alors que quand on parle de pandémie, quand on va demander à des gens de porter des masques, de mettre un vaccin, quand on va parler de changement climatique, dire que ce changement climatique va affecter nos vies, c'est plus compliqué. Moi, donc je suis dans une niche où j'ai de la chance, qui permet justement d'amener la méthode scientifique au cœur du débat, et j'espère qu'on arrivera vraiment à faire en sorte que cette méthode scientifique, qui est le nom d'une émission que j'apprécie beaucoup, sera vraiment mieux connue. Cette fois-ci, je peux la citer. Bon, il faudrait que j'y jette un œil, dites donc. Une oreille plutôt. Non, ce qui est intéressant pour revenir sur les liens, alors on peut redonner quelques chiffres et quelques faits, en tout cas sur le climato-scepticisme. En France, selon une étude de l'ADEME qui date d'octobre 2019, 11% des personnes se disent climato-sceptiques encore. Aux États-Unis, à peu près la moitié des élus républicains au Congrès refusent de croire en tout cas que le changement climatique est d'origine anthropique. Donc ça veut dire que, contrairement à ce que l'on peut imaginer, il y a encore une grande partie de la population sur cette planète qui doute de la réalité, ou en tout cas de l'origine de ce réchauffement climatique. Et sur les liens entre... donc d'abord, pour commencer là-dessus, ça veut dire que ces films-là peuvent avoir accès tout de même à des gens, ou en tout cas montrer comment un système s'enraye et comment un système peut traiter une actualité scientifique majeure à l'absurde. Alors, oui, est-ce que vous... La question, c'est est-ce que ça peut avoir un effet sur ces personnes-là? Je ne pense pas du tout, parce que il faut absolument pas sous-estimer combien le public, quelle que soit son orientation politique, est conscient de la nature de ce qu'on vient lui proposer. Et je pense que il y a pour partie dans les gens qui vont se déclarer climato-sceptiques, des gens qui le font aussi comme un positionnement politique, parce que une certaine action écologique, on va dire le fait d'être un peu conséquent écologiquement est un marqueur de gauche, va amener des gens de droite à aussi travailler en réaction par rapport à ça. Et moi je le vois dans le métier que je fais de critique cinéma, quand on va aborder des films de réalisateurs marqué comme étant à gauche, ou des sujets que les gens se représentent comme étant de gauche. Typiquement, c'était le cas avec Don't Look Up, nous sommes reçus par une frange d'électeurs qui eux nous disent « Ah mais je n'irai certainement pas voir ça. Je ne veux pas regarder ça. Ah j'ai vu, je vois très bien, c'est un film qui m'attaque. » Et donc, moi, c'est la grande limite que j'ai avec le film. J'ai l'impression que c'est un film qui est un peu complaisant avec lui-même et qui a un peu envie de jouer à se faire peur et qui se délecte un petit peu de cet horrible vertige qu'il constate aussi pour partie. Et qui finalement n'est là que pour prêcher un peu les convertis et nous dire, à nous qui sommes entre gens de bien, c'est vrai, c'est affreux ce qui se passe. Mmh. Et voilà, moi je suis pas du tout convaincu de la capacité du film à aller vers un public qui serait authentiquement surpris par sa proposition ou qu'il vivrait entre guillemets comme une révélation, d'autant plus que, et même le film en parle lui-même, on est dans une société aujourd'hui quand même dont les réseaux sociaux gèrent une grande partie de la sociabilité, réseaux sociaux qui nous font fonctionner par cercle concentrique, et donc je pense qu'il y a des gens qui ne vont même pas entendre parler de ce film. Mmh. Ce qui est intéressant par rapport au lien finalement entre ce que ce film ou les films ou le cinéma peut avoir avec la société et comment il peut rentrer ou s'inviter dans notre réel, l'expression Don't Look Up est manifestement déjà devenue une expression pour réagir à une polémique inutile. Quand par exemple on vous dit, voilà, je ne sais pas, oh, regardez, les frères Bogdanov étaient quand même des grands promoteurs de la science. Don't Look Up, il y a d'autres choses à regarder. Donc un peu comme le masque de Guy Fawkes de V pour Vendetta, issu de la BD d'Alan Moore, certes, mais qui a été popularisé par le film, est devenu un symbole de la contestation. Alors absolument, c'est peut-être la, on va dire, la première influence directe ou la véritable influence que pourra avoir le film, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus noble, c'est d'être transformé et récupéré. C'est-à-dire lui d'avoir tenté quelque chose, tenté un geste qui va inspirer des gens qui eux-mêmes vont le transformer. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est toujours, je trouve, assez impressionnant et stimulant à voir, de voir littéralement la société, le corps social, s'emparer d'un morceau de fiction pour lui donner un sens dans le réel. Ça, effectivement, on est en train de le voir apparaître et c'est plutôt excitant. Oui. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Un mot de conclusion, Éric Lagadec, autour de vous, dans la communauté scientifique, ce film, il fait du bien, il a été plutôt bien accueilli. Est-ce que ça a été un peu un exutoire ou en tout cas une façon de dire, ben voilà, enfin une fiction qui montre qu'il faut écouter les scientifiques et qu'on a besoin d'être entendu au sens premier du terme. Oui, exactement. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, avec les chiffres des climato-sceptiques qui sont assez hallucinants, et là aussi ce qui a été mentionné encore juste avant avec le fait qu'on est dans des bulles, on se rend compte qu'on vit dans des bulles et c'est pas facile d'en sortir. Et comment faire changer d'avis à ces personnes, c'est pas facile. Parce que moi, je parle plus de gens qui sont climato-sceptiques. Je préfère dire climato-négationniste, que là, on est arrivé à un point où c'est nier une évidence, c'est quelque chose qui est vraiment prouvé scientifiquement. Et je pense que c'est le résultat principal du rapport du GIEC, c'est que maintenant, tous les scientifiques sérieux sont d'accord sur le fait que le changement climatique est lié à l'activité humaine. Donc maintenant, inviter sur des plateaux télé ou à la radio des gens qui disent non, le changement climatique n'est pas lié à l'activité humaine, c'est dangereux. Et vraiment, ces gens-là sont des climato-négationnistes. Et la question qu'on se pose tous, c'est comment réussir? Parce que nous, en tant qu'astronomes, souvent on rigole, on dit il y a des gens qui disent que la Terre est plate, on n'est pas allé sur la Lune. Quelque part, ça fait de mal, ça fait rire. Mais pour ce qui est le changement climatique, il y a vraiment quelque chose d'important. Et c'est une question compliquée, enfin simple à poser, mais pas pour en trouver une réponse. Enfin, je la cherche depuis longtemps. Et si vous l'avez, je suis vraiment preneur. C'est comment réussir à convaincre ces personnes? Et c'est une frange de la société qu'on a peut-être perdue. Et comment on peut faire pour arriver à faire en sorte que les gens comprennent mieux la science et qu'on ne vive plus dans cette idiocratie qui peut faire peur? Malheureusement, je ne pense pas que nous ayons ni le temps ni la réponse à cette question de comment faire pour convaincre les personnes qui ne sont pas convaincues par les consensus et l'évidence scientifique. Mais nous sommes là pour essayer en tout cas de continuer à diffuser la parole scientifique et la connaissance. C'est notre tâche, notre bâton de pèlerin, ce à quoi nous nous attelons jour après jour. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de Don't Look Up d'Adam McKay, donc visible et disponible sur la plateforme Netflix. Merci Éric Lagadec, merci Simon Rouillé, Rio. Rouillé, c'est quelqu'un quelqu'un d'autre, qu'on salue par ailleurs. Merci Simon Rio. On peut vous lire dans Pardon le cinéma, qui est un ouvrage collectif du podcast auquel vous participez. C'est dans les aux éditions hors collection. En attendant, une monographie à Liane, il paraît un jour. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Trieu, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Amel Boucherka, Vivien Lecuivre à la réalisation. Je remercie d'avoir pris la réalisation de l'émission au pied levé toute cette semaine. Jacques Azubert à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.